Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Un jour passe et notre vient. Toi, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as créé les deux grands luminaires pour présider l'un à la nuit et l'autre au jour. Pour présider, parce que c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Sois élevé par nos paroles qui montent vers toi ce soir. Israël a réalisé ces choses pendant qu'il traversait le désert, pendant qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé des choses qu'ils ne pouvaient jamais imaginer traverser dans leur vie. Oh, ce soir, tu nous donnes de traverser des jours, des années qui semblait être une histoire. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont élevé ton nom. Quand ils ont mangé la manne, ils ont élevé ton nom. Oh, merci. Merci pour toute nourriture que tu as donnée à toute âme sur la terre. Merci pour toute nourriture que tu nous as donnée. Quand ils ont bu l'eau du rocher, ils ont élevé ton nom. Oh, merci pour toutes les soifs que tu as étanchées pendant toute l'année. Quand ils ont été guéris des hémorroïdes, des maladies, ils ont béni ton nom. Merci pour des guérisons. Oh, nous sommes l'objet de la guérison de Dieu. Nous sommes témoins d'avoir un Dieu qui guérit. Quelle année merveilleuse! Quelle année merveilleuse! Tu nous as guéris. Tu nous as restaurés. Quand les ennemis venaient, il y a des rois qui se sont levés contre Abraham. Il y a des gens qui se sont levés dans le désert, mais tu les as protégés pour montrer que tu es le Dieu qui combat pour tes enfants. Oh, merci Seigneur. Tu as combattu pour nous. Tu as combattu pour nos familles, pour nos enfants. Tu as combattu pour ton peuple. Sois élevé. Même pendant le sommeil, tu combats pour nous. Même derrière, tu es notre arrière-garde. Devant, tu es notre avant-garde. Seigneur, nous n'avons que des témoignages d'élever ton nom, d'élever ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Oh, la Bible me dit dans Actes chapitre 4 que c'est le nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Oui, nous avons le nom de Jésus. Pour être sauvés, pour être sauvés. La Bible me dit dans le psaume 107, du sein de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Oui, Seigneur, tu nous as délivrés quand nous avons crié à toi cette année 2025. Nous avons crié, crié à l'Éternel et tu nous as délivrés. Oh, merci Seigneur. Je te loue. Mon frère et moi, nous sommes réunis pour te louer, pour élever ton nom. Même quand on avait l'impression que tu n'étais pas là, toi tu veillais sur nous. Quel Dieu, quel Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, j'ai une seule histoire dans ma vie. Louez les bontés de l'Éternel. Le matin, je te loue. À midi, je te loue. Le soir, je te loue. En janvier, je te loue. En juin, je te loue. Aujourd'hui, en décembre, je te loue. L'histoire de ma vie, elle est indissociable de la louange de l'Éternel. Elle est vraiment indissociable. Oh, l'histoire de ma vie ne peut pas se dissocier des bontés de Dieu. L'histoire de ma vie ne peut pas enlever la louange de ma bouche. L'histoire de ma vie ne peut pas faire que je me taise devant le nom de Jéhovah. L'histoire de ma vie ce soir, c'est de louer le Seigneur, c'est d'élever le Seigneur. Oh, je te bénis. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse ce soir. Parce que nous avons un moment merveilleux que nous voulons passer devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre d'une année qui s'appelle 2025. C'est le dernier jour et disons la dernière heure. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris la décision de prier, de chercher le Seigneur. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée pour cette année et nous allons prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu et nous allons voir la main de Dieu agir dans notre vie. Je t'encourage. Cette année qui vient sera différente de toutes les années de ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu verras ce que Dieu va faire. Je vais lire le psaume 24, du verset 7 au verset 11. Et avec une courte exhortation, nous allons relever certains sujets de prière qui vont nous conduire en prière à partir de minuit, pour que le Seigneur nous fasse grâce et nous fasse du bien. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels. Que le roi de gloire fasse son entrée. Waouh! Porte 2026. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées, volentaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oh bien-aimé, c'est merveilleux. Ce soir, pendant les quelques minutes, il s'agit des portes. Des portes. Et la mission des portes, c'était de laisser passer le roi de gloire. La mission des portes de 2026, cette dernière ère, frères et sœurs, chaque lieu, chaque temps a ses portes. 2026, c'est un temps, c'est un lieu. Elle a ses portes. Ce que j'aime, on parle des portes. Et les portes devaient laisser passer quelqu'un. Ma prière, notre prière ce soir, que les portes de 2026 te laissent passer. Tu dois passer. Il y a des choses qui doivent passer. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient bloquées au niveau des portes. C'est pourquoi on dit l'Éternel puissant dans les combats. C'est-à-dire que nous allons mener certains combats aux portes de 2026. L'Éternel des armées. Oh mon frère, c'est ce qui fera que l'année 2026 sera différente de toutes les années. Aujourd'hui, il y a des choses que tu vas faire. Il y a des choses que nous allons faire. Suivez-moi bien. On dit porte élevée volento. Donc ici, il y a quelqu'un qui commande aux portes. Ce soir, tu vas commander aux portes. C'est-à-dire que les portes avaient besoin d'un ordre qui devait venir de quelqu'un. Je prie le Seigneur que toutes les portes de 2026 écoutent les ordres que tu vas donner ce soir. Les portes de richesse, les portes de bonne santé, les portes de prospérité, les portes d'élévation, les portes de différence, toutes ces portes, je vous ordonne ce soir d'écouter l'ordre que nous allons vous donner. Les portes sont restées fermées parce que tu n'as pas encore parlé. Il a demandé aux portes d'élever vos lenteaux. Donc, les portes ne devaient même pas avoir des limites supérieures. Les lenteaux, c'est des limites supérieures. Quand on enlève les lenteaux, la porte n'a plus raison d'exister. Oh, je prie le Seigneur, à partir de ce soir, il n'y aura plus de limites dans tes portes. Des choses doivent passer au nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas porte, ouvrez-vous, non. Élevez vos lenteaux, vous n'avez plus raison d'exister. Les portes de blocage n'ont plus raison d'exister. Tu dois passer. Les portes de maladie, tu dois passer. Rien ne sera bloqué à quelque porte que ce soit. L'ordre a été donné. Élevez. C'est un impératif. C'est un ordre. Oh, ce soir, nous allons donner les ordres aux portes. Mais les portes, devaient laisser passer quelqu'un. Apparemment, ce n'était pas des portes de sortie. C'était des portes d'entrée. Parce qu'on dit que le roi de gloire fasse son entrée. Ici, nous parlons des portes d'entrée de 2026. Il y a des choses qui doivent entrer en 2026. Oh, nous avons beaucoup de bonnes choses qui vont entrer en 2026, que nous allons commander ce soir. Il donne encore l'ordre. Élevez-les. Portes éternelles, Que le roi de gloire fasse son entrée. On dirait que les portes n'avaient l'obligation que de laisser passer une personne. Le roi de gloire. Or, la Bible dit que nous sommes en Christ. Christ en Dieu. Dieu nous a cachés en Jésus-Christ. Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans sa gloire. Donc, quand Christ va passer sous les portes de 2026, ma prière est que toi aussi, qui es en Christ, tu passes ces portes que tu entres. Si tu n'es pas en Christ, tu vas prendre la décision d'entrer en Christ et de passer ces portes. Alors on demande, mais qui est ce roi de gloire? Mais quand un roi passe à la porte, quand c'est la porte d'entrée d'un roi, c'est qu'il y a un tapis rouge. Oh, je prie le Seigneur aujourd'hui, 2026, il y a un tapis rouge qui attend quelqu'un dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que c'est la porte d'entrée. Il y a un tapis rouge qui t'attend. Les gens de ce monde ont compris ce principe. Parce qu'ils ont vu ça auprès de l'Éternel. Toi qui n'as jamais marché sur un tapis rouge, le temps est arrivé. 2026. Il y a un tapis rouge qui t'attend. Tu entreras en 2026 sur un tapis rouge. Ta vie entrera sur un tapis rouge. Tu entreras comme roi. Comme roi. Pas n'importe quel roi. Comme roi de gloire. Voilà, nous voulons comprendre les mystères des portes et prier. Les portes de la mort. La Bible me dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7, il dit, celui qui tient les clés de David entre ses mains, qui ouvre et personne ne peut fermer. Ici, il n'était même pas question d'ouvrir la porte. La porte devait s'ouvrir, le linteau devait s'élever. La porte n'avait plus raison d'exister. Oh bien-aimé, ces portes-là qui étaient fermées ne vont plus exister. Nous allons mener un combat aux portes de 2026. Aux portes de 2026. Il y a des portes que je vois qui sont en train de s'ouvrir dans la vie de plusieurs. Nous allons mener ce combat aux portes. Les portes vont s'ouvrir. Je les déclare, je lève ma main. En tant que ministre de Dieu, je déclare qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous avez des prières comme ça, commence à visualiser les portes. N'écoute pas cette parole comme ça, non. Visualise les portes que tu veux et tu vas témoigner. Les portes vont s'ouvrir et tu vas entrer avec le roi, toi dans le roi. Comme c'est le roi qui va entrer, il va marcher sur le tapis rouge. Tu marches, il y a un tapis rouge qui attend quelqu'un en 2026. Tout ce que tu as va passer parce que les portes n'auront pas de linteau. Ça va s'appeler porte sans linteau, sans battant, sans quelque chose qui obstrue. Je voulais qu'on partage cette parole. Et nous allons aussi prier pour les portes des différentes prisons, là où se trouvent quelques personnes. Si les portes de la prison se sont ouvertes sur Joseph pour qu'il sorte, toi aussi, ça va s'ouvrir. Père, je recommande cette parole entre tes mains. Je recommande cette parole entre tes mains. Maintenant que nous sommes à quelques minutes de 2026, nous ne sommes pas seuls. Mon frère n'est pas seul. Dans sa maison, là où il est, n'est pas seul. Nous voulons mener ce combat aux portes. Nous voulons commencer la prière. Bientôt, c'est 2026. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel puissant dans les combats. Nous voulons prier. Nous voulons prier. La Bible nous dit, porte élevée vos linteaux. L'ordre. Je me réveille maintenant. L'année 2026 est là, dans quelques secondes. Tu vas donner l'ordre aux portes d'élever leurs linteaux, de s'ouvrir. Tu vas donner l'ordre. Oh, nous élevons nos voix. Là où tu es dans ta maison, dans la voiture, partout. Toi qui écoutes ce message, cette petite exhortation, tu vas commencer à prier maintenant. Donne l'ordre. Les portes de 2026 n'attendaient que l'ordre qui devait venir de toi. Je prie, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne, porte 2026, ouvrez-vous, Porte 2026, ouvrez-vous sur ma vie, ouvrez-vous sur ma famille, ouvrez-vous sur l'église, ouvrez-vous sur mes frères, sur ma soeur, ouvrez-vous dans la famille de mon frère qui est là. Toutes les portes de 2026, je vous ordonne maintenant. Oh, il n'y a aucune porte qui restera fermée. Aucune porte ne peut rester fermée. Je vous ordonne maintenant, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Je vais entrer en 2026 avec le roi de gloire. J'entre en 2026 avec le roi de gloire. Porte de la richesse. Porte de la guérison. Porte d'épanouissement. Porte d'élévation. J'entre en 2026 avec le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels. Dans le nom puissant de Jésus. Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous. Nous sommes en train d'entrer maintenant en 2026. Élevez-vous, portes éternelles. Oh, pas pour un jour, pas pour deux jours. Vous devez vous ouvrir pour toute ma vie. Au nom de Jésus. Si c'est éternel, c'est que c'est pour moi, pour mes enfants et pour ma postérité. Oh bien, mais je veux que tu pries maintenant. Les portes doivent s'ouvrir pour toi, pour tes enfants et pour ta postérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, ouvrez-vous maintenant. Porte de 2026, je vous ordonne de vous ouvrir maintenant. Pour ma vie, pour ma famille, pour l'église, pour mon business, pour mes frères et sœurs, Je vous ordonne de vous ouvrir par la puissance du nom de Jésus, par le pouvoir que j'ai. La Bible dit, ce que tu accepteras sur la terre sera accepté au ciel. Ce que tu refuseras sera refusé. Maintenant, j'ordonne aux portes de 2026 de s'ouvrir sur ma vie, sur la vie de l'église, sur la vie de ma famille, de mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Les portes de 2026 sont en train de s'ouvrir. Elles sont ouvertes. Portes de 2026, je vous déclare maintenant ouvertes au nom puissant de Jésus. Je vous déclare ouverte sur la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Plus rien ne peut vous fermer, plus rien ne peut vous bloquer. J'ordonne que les anges de l'Éternel restent aux portes, même Jérusalem avait des portes, l'église a des portes, le ciel a des portes. Oh, la Bible dit, Jésus dit que je suis la porte des brebis. Vous entrerez et vous sortirez par moi. Oh, il n'y a aucune porte qui restera fermée. Nous allons entrer, nous allons entrer, nous allons entrer. Et nous entrons en 2026. Ce soir, le temps est arrivé. Nous entrons en 2026. J'ordonne aux portes de s'ouvrir. Porte, ouvrez-vous. Porte 2026, ouvrez-vous sur ma famille, ouvrez-vous sur ma vie, ouvrez-vous sur l'église, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci parce que tu écoutes la prière, merci parce que tu écoutes la prière, merci parce que tu écoutes la prière, merci parce que tu écoutes la prière. Bien-aimés, nous sommes déjà en 2026, nous avons ouvert les portes, nous allons mener des combats spécifiques. Je vais citer quelques portes. Je ne connais pas les portes qui dérangeaient ta vie. Les portes qui étaient fermées dans ta vie. Oh bien-aimé, il n'y a rien de plus précieux que la bonne santé. Alors nous allons d'abord prier que les portes de la bonne santé s'ouvrent. Si les portes de la bonne santé s'ouvrent, c'est que tu vas sortir de la mauvaise santé pour entrer dans la bonne santé. Tu pries pour toi, tu pries pour ta famille. Tu pries pour ton ami, pour ton frère, pour ta soeur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les portes de la bonne santé sont ouvertes en 2026. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de fermer les portes de la maladie dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, ton maladie qui a dérangé la vie de mon frère, la vie de ma soeur, toi gastrite, toi hypertension, toi diabète, toi malaria, toi AVC, toute maladie. La Bible dit, il n'y aura plus de maladie au milieu de vous. Tu nous guériras de toutes nos maladies. Je me tiens aux portes. Je suis aux portes de 2026. Oh mon frère, maintenant que tu es aux portes de 2026, ferme les portes de la maladie et ouvre les portes de la guérison sur ta vie, sur ta famille. Au nom puissant de Jésus, je ferme les portes de toutes les maladies, connues ou inconnues. Je ferme la porte de toutes les maladies héréditaires. Je ferme la porte de toutes les maladies chroniques, de toutes les maladies dans le sang. Je ferme la porte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune maladie de 2025 ne va entrer en 2026. C'est fini. Dans la Bible me dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je refuse. Je ne verrai plus jamais les maladies de 2025. Ni la malaria, ni la typhoïde, ni la gastrite, ni les AVC, ni les diabètes, ni les hypertensions, les hypotensions. Ces maladies-là, je ne les verrai plus jamais. Je prie pour tout celui qui a des problèmes dans son ventre. Oh bien-aimé, toi qui as des problèmes dans ton ventre, dans les pommes, dans la tête, dans le corps, tiens cette partie-là. Nous sommes en train de fermer les portes des maladies dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai le pouvoir. La Bible me dit, guérissez les malades. N'aie pas supplié. Je te guéris de ta maladie. au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Que les portes de la bonne santé s'ouvrent maintenant. Que les portes des maladies se ferment. Au nom puissant de Jésus, je mène le combat. Je combats les maladies aux portes 2026. Vous n'allez pas entrer dans la vie de mon frère. Vous n'allez pas entrer dans cette famille. Vous n'allez pas entrer dans l'église. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La deuxième porte que nous voulons combattre ce soir, c'est la porte de la mort. Jésus a arraché les clés de la mort. C'est ce que la Bible me dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Les clés de la mort et du séjour des morts. Oh bien-aimé, nous voulons arracher que ces portes s'ouvrent. Non, non, non, non, non. Tu ne vas pas mourir en 2026. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, tu ne vas pas rester dans la tombe. Non, non, non, non, non, non. Ce qu'on a voulu enterrer dans ta vie, ce qu'on a voulu enterrer dans ta maison, dans l'église, dans tes business, ce soir, les portes de la résurrection s'ouvrent, les portes de la mort sont fermées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Il a dit aux hommes, enlevez la pierre, ouvrez la porte. Bien-aimé, ce n'est pas à Dieu, c'est à toi d'enlever la pierre, c'est à toi d'ouvrir la porte. J'ouvre la porte de la résurrection, j'ouvre la porte de la santé, j'ouvre la porte de la vie. Oh, je ferme la porte de la mort. Cette porte ne va plus fonctionner dans ta vie, ni dans ta maison, ni sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ouvre les portes de la vie, j'ouvre les portes de la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, nous allons prier pour vivre. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre. La prospérité, la richesse, la stabilité, ces choses doivent t'accompagner. Alors nous allons prier que les portes de prospérité, de stabilité, de richesse, d'élévation s'ouvrent sur ta vie. Tu pries pour toi-même et tu pries pour tes connaissances au nom de Jésus. Il y en a qui sont instables. Il y en a qui sont vacillants. Nous allons prier. Prie pour ta stabilité. Prie pour ta prospérité. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Bien-aimé, chaque porte a un nom. A un nom. Dans Néhémie, au chapitre 4, il y a la porte du fumier, il y a la porte des brebis. Et Jérusalem avait 12 portes. Chaque porte avait son nom. Oh, bien-aimé, même dans Actes des Apôtres, on dit qu'il y a une porte qu'on appelle la belle. Et c'est en fonction des portes qu'on prenait certaines décisions. Je prie le Seigneur que les portes de prospérité s'ouvrent dans ta vie. Tu ne peux pas vivre loin de la prospérité. Elle ne peut pas te fermer la porte. Non, toi prospérité, je t'ordonne d'ouvrir ta porte sur la vie de ce frère. Toi stabilité, porte de stabilité, ouvre-toi. Porte de richesse, ouvre-toi. Porte d'élévation, ouvre-toi. Je vous ordonne maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai le pouvoir, parce que la Bible me dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils de Dieu. Le pouvoir que Jésus avait d'ouvrir les portes. Oh, c'est pourquoi je prie maintenant pour les portes de prospérité. Ouvrez-vous dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Les portes de stabilité, les portes d'élévation, les portes de bénédiction, les portes de business. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous ordonne. Je vous ordonne. Je vous ordonne. Je vous ordonne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, aux portes aussi on prenait de grandes décisions. Rappelez-vous de Boaz et de Ruth. L'avenir de Ruth s'est joué à la porte. On va prier. Que les bonnes décisions en 2026 soient en ta faveur. À partir de cette seconde où nous entrons en 2026, Seigneur, je prie maintenant. Les décisions qui seront prises en 2026, les portes de grandes décisions. Tu es élève, étudiant, le jury doit se réunir. Tu es travailleur, la hiérarchie doit se réunir. Tu es dans une famille, il y a un conseil de famille. Oh, je prie maintenant que les portes de bonnes décisions s'ouvrent. Aucune décision en 2026 ne sera prise en ta défaveur. Même là où les gens ne t'aiment pas, même là où les gens complotent, je ferme les portes aux mauvaises décisions et j'ouvre les portes de bonnes décisions. 2026 sera une année différente de toutes les années, de toutes les années dans ta vie, de toutes les années dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont encore dans des prisons. Oh bien-aimé, le monde des ténèbres a voulu bloquer ta vie dans une sorte de prison, comme Joseph. Mais les portes se sont ouvertes. Je déclare ce soir sur ta vie, toi qui me suis, aucune prison ne va garder ses portes fermées sur ta vie. Non. Sur tes enfants, sur tes affaires, non. Les portes vont s'ouvrir. Même si tes amis t'ont abandonné, comme les panettiers et les chansons qui ont abandonné Joseph là-bas, ce n'est pas grave. L'ordre viendra du roi. Oh, je prie ce soir que l'ordre vienne du roi pour te sortir, ouvrir les portes de la prison. Autant décider malgré, contre le gré des hommes, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ordonne maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que les portes de nos prisons s'ouvrent. Que les portes des prisons où on a mis nos enfants, où le monde des ténèbres a mis nos enfants, où le monde des ténèbres a mis mes frères et ma soeur, que ces portes s'ouvrent maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je combats tous les geôliers. Paul était en prison et Silas, les portes étaient ouvertes. Joseph était en prison. Les portes se sont ouvertes. Je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur. Je combats les geôliers. Je les combats maintenant. Et j'ordonne. J'ordonne. Ce soir, c'est des ordres que je donne. Je donne l'ordre aux geôliers d'ouvrir. Je donne l'ordre aux portes de lever les linteaux. Donc les portes ne vont plus tenir. Je dis à quelqu'un ce soir, les portes de ta prison ne vont pas tenir. Ne vont pas tenir parce que nous n'avons plus de linteaux. Je viens casser les linteaux de toutes les portes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je viens casser les linteaux des portes de la prison. Je viens casser les linteaux des portes de blocage. Au nom puissant de Jésus. Les portes de la mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 2026. Porte, élevez-vous. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Nous allons entrer. Bien-aimés, prie maintenant. Tu peux même faire un geste prophétique. Tu fais un pas, tu dis, je fais mon entrée en 2026 et les portes là sont ouvertes. Je fais mon entrée en 2026. Je ne suis pas seul avec la famille, avec l'église, avec mon frère, avec ma soeur. Je fais l'entrée en 2026 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis en train d'entrer en 2026 au nom puissant de Jésus. Je fais mon entrée. Je fais mon entrée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, mes pas ne vont plus rester en 2025. Non, non, non, non, non, non. Ma vie ne va plus rester en 2025. Je suis en 2026, mon portefeuille reste en 2025. Je suis en 2026, mes enfants, ma famille restent en 2025. Oh, maintenant, comme le Seigneur a dit, je pars avec tout. J'entre avec tout ce qui m'appartient en 2026. J'entre avec mon ministère. J'entre avec ma santé. J'entre avec mon travail. J'entre avec mes enfants. Avec l'église. Avec tout. Il n'y a rien qui va rester en 2025. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à 2025 de ne rien garder. J'ordonne en 2026 de laisser passer tout ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, les portes, quand tu entres, tu n'entres pas comme un individu simple. Tu entres avec le roi de gloire. C'est-à-dire qu'il y a un tapis rouge, il y a des acclamations, des bikelekele, il y a des honneurs qui t'attendent en 2026. Nous allons prier pour les tapis, pour les honneurs. Bien-aimés, ce sont des choses qui doivent exister et qui viennent de Dieu. C'est ce que tu témoigneras par ce que Dieu va faire. Nous allons prier que nous puissions entrer en 2026 avec ses faveurs. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Parce que j'entre en 2026, pas comme n'importe qui. J'entre en 2026 avec des honneurs. Même les boiteux à la porte de la belle, quand il est entré, après avoir rencontré Pierre et Jean, il est entré avec des honneurs. Oh, quand Jésus est entré à Jérusalem, avec des honneurs. Je déclare ce soir, dans la vie de mon frère et de ma soeur, il entrera en 2026 avec des honneurs. Fini, fini la honte, fini les humiliations. C'est le temps des honneurs, c'est le temps des honneurs pour 2026. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es dans ta maison, que tu remercies le Seigneur. Parce que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Retiens ça. 2026, les portes sont ouvertes. Entre en action. Commence à agir. Seigneur, merci. 2026, les portes sont ouvertes. De la bonne santé. Les portes sont ouvertes. De la richesse. De la prospérité. De la stabilité. Des honneurs. Bientôt le tapis rouge dans la vie de tes enfants. Oh, parce qu'ils entrent avec le roi de gloire. Je prie pour eux. Je prie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, avant de terminer, je vais faire quelques déclarations dans ta vie. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. À partir de maintenant, je déclare et ordonne que toute porte destinée à te faire du bien en 2026. Ces portes peuvent être des hommes. Ces portes... portes peuvent être du travail. Ces portes peuvent être des connexions. Ces portes peuvent être la prière. Je déclare que toute porte que Dieu a préparée pour te faire du bien s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'Esprit de Dieu t'amène à la porte qui convient et qui doit s'ouvrir en 2026 au nom puissant de Jésus. Je déclare aussi que toutes les portes de mauvaises choses que tu as connues en 2025 soient fermées pour que ces mauvaises choses ne se déversent pas en 2026. 2026, c'est une année de la sélection de bonnes choses. Je déclare que seules les bonnes choses vont entrer avec toi en 2026. Troisièmement, je déclare que toutes les portes de prison, de blocage, de pharaons, des sorciers, du monde des ténèbres, sur ta vie et tes projets, soient brisées. Et lève leur linteau pour que tu entres en 2026. La maladie, je ferme la porte sur toi et j'ouvre la porte de la guérison dans la vie. J'ouvre la porte de guérison au nom de Jésus. Je ferme sur votre famille les portes de la sorcellerie. J'ouvre les portes de la gloire de Dieu. Je ferme sur votre famille les portes des hôpitaux chaque fois. J'ouvre la porte d'épanouissement. Toi qui cherchais un visa, j'ouvre la porte. Tu obtiendras ce visa. Toi qui cherchais un travail, j'ouvre la porte. Tu obtiendras ce travail. Toi qui cherchais une connexion, j'ouvre la porte, tu obtiendras la connexion. Toi qui cherchais une bénédiction, j'ouvre la porte parce que je détiens les clés de la porte par le pouvoir de la parole en tant qu'enfant de Dieu. J'ouvre la porte et tu auras la connexion. Au nom puissant de Jésus, je donne l'ordre à toutes les portes qui doivent s'ouvrir de s'ouvrir. Et je combats à cette porte 2026 toutes les mauvaises œuvres préparées contre ta vie au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu as ouvert des portes. Nous entrons victorieusement en 2026. Nous élevons le nom de Jésus. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Là où tu es, acclame avec moi. Acclame avec moi. Acclame avec moi. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il le fera. Il le fera. Que Dieu te bénisse. Les portes de 2026 sont ouvertes sur ta vie, dans ta maison. Bien-aimé, 2026 sera une année exceptionnelle. Parce que ce soir, à la porte de 2026, tu as ouvert des choses. Tu as ouvert les portes. Tu n'as pas laissé l'ennemi se tenir aux portes de cette année. Puisque les portes sont ouvertes, maintenant les grandes choses commencent. C'est pourquoi je t'invite demain. Connecte-toi sur notre chaîne ou viens à l'église. Nous avons un thème exceptionnel pour 2026. Et demain, je prierai aussi pour les malades. Avec l'huile d'onction. Parce que nous ne voulons pas que les maladies dérangent les enfants de Dieu en 2026. La grâce de Dieu est là. Une année exceptionnelle. Une année de témoignage. Une année où nous voyons la différence entre ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu et ceux qui ne sont pas dans l'alliance avec le Seigneur. Alors ce rendez-vous déjà demain à partir de 8h30, la grâce de Dieu sera sur vous. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour ce moment merveilleux. Nous sommes en 2026. Je te souhaite et je prie. Ce n'est pas un vœu, mais c'est une prière. Ça va se réaliser. Cette année sera bonne. Toutes les portes seront ouvertes. Aucune porte ne sera fermée. L'ennemi ne saura fermer aucune porte. Tu auras le pouvoir d'ouvrir une porte. Tu te tiendras devant une porte. Quand tu arrives, la porte s'ouvrira. Oh, je déclare que ta présence est suffisante pour que les portes s'ouvrent et que tu entres et vives de grandes choses. Seigneur, merci. Je bénis tes enfants. Je bénis tes enfants. Je prie cette nuit. Maintenant que nous sommes en 2026, fortifie les uns les autres, qui se reposent et que demain, déjà aujourd'hui, le premier, nous commençons à agir parce que nous entrons dans une nouvelle année et toutes les portes nous sont ouvertes. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Dieu. Que Dieu vous bénisse.